émission, une seule émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Ouais, ouais. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Entourage. Passez une bonne soirée, c'est la troisième avec l'entourage Jeunes Entrepreneurs. J'ai l'impression que tout le monde est là. Toute l'équipe au complet, de retour de Nantes pour certains et puis d'autres qui seront en concert aussi ce soir. Ce sera le cas de Escrew et de Dean Burbigo en concert du côté du 7-7 à Magny-le-Hongre. Juste après l'émission, vous pourrez les retrouver. Tout va bien ? Tout va bien. Tout va bien, toujours. L'album se passe bien, Jeunes Entrepreneurs est dans les bacs. Le 14 juin arrive l'Olympia. Exactement. Et les retours pour l'instant sont vraiment, vraiment font chaud au cœur. Et on commence à se préparer pour l'Olympia là. Ça va être une boucherie totale. Aïe. Tout le collectif au grand complet sur la scène de l'Olympia. Ouais, c'est assez rare pour être noté. Sur une grosse salle comme ça sur Paris, je crois que c'est la première fois qu'on fait un concert. C'est la première fois. Ouais, tous ensemble, et on précise que c'est une date unique et qu'il n'y aura pas de tournée pour ce projet, donc il faut vraiment venir à l'Olympia. Est-ce que ce soir vous avez aussi des amis qui se baladent dans Paris? Hier c'était du côté de Bastille. On a perdu le contact avec eux, donc là c'est difficile à dire maintenant, mais on va essayer de les attraper. Bon bah très bien, donc on vous filera peut-être le rencard avant 21h. Ce soir du live de prévu aussi? Toujours. Ouais. On va pas louper. Du gros freestyle. Des extraits de l'album, on va passer comme ça pour débuter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu ce soir comme morceau? C'est en réflexion. Ouais, les rois, un morceau qui s'appelle Les Rois. Les rois. On est les rois de vos bleds. Et s'il me voyait. Et puis attention, tiens à noter que demain il y a un clip, il y a de l'image qui arrive encore pour l'entourage. Ouais, demain 19h30 sur la page l'entourage, on va balancer ça, c'est l'entourage vidéo sur YouTube, on balance le clip 75 en toutes lettres. Donc 75 à pas louper à partir de 19h30 demain. Sur et YouTube. Puis sinon ceux qui veulent aussi avoir des images de l'entourage, il y en a déjà plein, il y a déjà des clips qui sont arrivés, il y a eu Jim Morrison. Mon Caramello qui est pas d'ailleurs sur l'album. Le Caramello, c'était un petit cadeau. Un amuse gueule avant l'album, disons. Et bah très bien. Plus généralement, pour tous ceux qui veulent voir ce qui se passe en ce moment, allez liker notre page sur Facebook, rejoignez-nous sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, on relaye tout en temps réel. Donc voilà, restez branchés. Et on débute comme chaque soir avec le morceau. Comme ça. Encore allez. Une soirée dans Paname. Le lendemain, les gens travaillent. J'ai pas d'entrave. Je sors tard et je rentre ravagé. Bégo calciné. Seul avec mes pantalons tassés. Je sors le temps d'enfiler mon pantalon froissé. Il fait un temps à surfer. Une sœur m'a dit qu'elle sortait avec ce que j'ai absorbé. Hier, j'ose pas l'embrasser. On partage en sorbet. Ensemble, on se remet en scène. Des sornettes et je repense à l'an passé. Chaque été, chacune de mes têtes était sous grosse cam. Dans le zoo, à péter des tailles de zoo. Blanca. Avec des zoos pour mes poches. Trompe pour remplir les poches. On les poches. Choir les poches, chiche kebab sous poids, chiche que demande le peuple, je me contente de peu, peu de monde le peut, moi je peux, avec autant de bœufs, j'entends des puffs, puffs, t'es tout grasse, PFN et tout as, je débarque dans la fête, c'est la traque, je suis insolent tel un dragueur, j'ai fini la tête sous un collant tel un braqueur, je sais m'y prendre bébé, c'est mi pro. Je suis semi-pro et je parle pas que de ce micro. J'aime les bitches comme ça, font des pubs comme ça. C'est vrai que des filles comme ça, ça fait sadique comme ça. Y'a pas que des filles comme ça, mais dans un lit comme ça. Hey, j'préfère les petites lobes ça. Envoie une quiche comme ça, j'ai du shit comme ça. Si t'as de la weed comme ça, on roule à split comme ça. Si t'as de la tif comme ça, on passe une nuit comme ça. C'est la galère dans Paris comme ça. Dans ma vie, je suis le king des bras. Je suis tel un bandit de ville qui te guettera. Oui, c'est la routine qui fait devenir clémoire. Très calme, le mécra. Mais si tu me casses les proues, je te quiebras. Vrai ça, Westside. De Paname, c'est mon checker, ne t'espoir. Donne pas ton avis si tu n'as pas le sang chaud, gros. Je mets le montre à me plier, c'est un train fantôme. Lâche l'affaire, toi tu pètes les plombs. Moi, y'a que pour les bières que je préfère les blondes. Je fais partie de ces gens trop sincères pour ce monde de vicieux. Donc j'ai pas prévu de plan B, mais tu m'as jamais vu trembler. Pourtant, une vie peut s'échanger contre des mille œufs. Pendant que je longe le videux, viens pas parler du danger. Faut des bas souffres d'une atroce stérilité pour te duper. C'est les filles, bien que les salopes ne cessent d'imiter. Je suis qu'un homme, j'aime les femmes à forte fertilité. Mais je préfère mon équipe que seule la mort devrait diviser. Si je prétends pas résoudre les problèmes du monde, je veux juste être honnête avec mes collègues. Ne jamais déconner pour le gros derge d'une blonde. J'ai une dent contre ce pays que les commerces surplombent. J'ai des bitches comme ça qui font des pipes comme ça. C'est vrai que dit comme ça, ça fait sadique comme ça. Y'a pas que des filles comme ça, mais dans un lit comme ça. Hey, je préfère les petites lobes ça. Envoie une quiche comme ça, j'ai du shit comme ça. Si t'as de la weed comme ça, on roule un split comme ça. Si t'as de la tease comme ça, on passe une nuit comme ça. C'est la galère dans Paris comme ça. J'aime les bitches comme ça, qui font des pipes comme ça. C'est vrai que dit comme ça, ça fait sadique comme ça. Y'a pas que des filles comme ça, mais dans un lit comme ça. Hey, je préfère les petites lobes ça. Envoie une tige comme ça, j'ai du shit comme ça. Si t'as de la weed comme ça, on roule un split comme ça. Si t'as de la tease comme ça, on passe une nuit comme ça. C'est la galère dans Paris comme ça. Big five pour ma hole kicker. J'ai grandi dans le 15 près des halls, des immeubles et près des sourds noirs. C'est quand t'as plus d'oser que les gens les sautent voir. Y'avait des gens bizarres mais surtout des bastons. J'allais au champ de Mars à la recherche de pastos sous pastis. On était clean, hold back avec de la weed comme ça. Avant que les pics up ça, on a tout mis dans ça. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap de l'entourage avec comme ça à l'instant. Extrait de Jeunes Entrepreneurs à l'instant sur Skyrock. Ça fait et produit par DJ Elite. Voilà. J'adore la fin du morceau. Lui-même. Je crois que c'est mon morceau préféré. Qui sera au platine encore. DJ Elite. Qui sera au platine tout à l'heure. Elite aussi pour live. Ouais. Est-ce que je te demande d'ailleurs de poser avec tout le collectif tout ça. Est-ce qu'il y a un ordre de passage d'ailleurs sur les morceaux. Est-ce que à chaque fois, ce qu'on a appris en début de semaine que pour sélectionner tous les morceaux de l'album, il y a eu quelques sérieux débats. C'est vrai. Et est-ce que pareil pour au moment de poser, est-ce que c'était pareil les débats. Moi je posais avant, après. En fait, on posait tous dès que quelqu'un avait fini son texte, on le posait. Et après vraiment, on a fait un ordre pour voir quel couplet enchaînait bien avec l'autre, quel couplet passait bien après un refrain, etc. On s'est cassé la tête sur ça aussi. Ouais, il y a pas beaucoup de morceaux qui ont été vraiment changés, tu vois. Il y a deux morceaux qui où les couplets vraiment, il y a le premier passé le dernier, tu vois, c'est-à-dire ça. Ou sinon, généralement, si on écrit les premiers à finir. Ouais, le plus vite en général. Ouais. Alors, est-ce que certains, en écoutant les couplets des autres, ont voulu rechanger à tout prix des choses? Est-ce qu'il y a une sorte de compétition au sein de l'entourage? C'est une bonne compétition. C'est c'est normal. Il faut que. Enfin, on veut toujours être le meilleur. Faut que tout le monde soit à l'auteur sur le son aussi. Faut qu'on crache que des flammes bleues. Faut que le son soit homogène et que tout le monde crache une flamme bleue. Quand tu finis ton couplet en premier, au début t'es content et après t'as une petite pression parce que tu sais que tu peux te faire gifler à tout moment par ceux qui terminent après toi, tu vois. Et aussi, tu mets une grosse pression aux autres. C'est ça aussi. On va rappeler aussi, puisqu'on le disait, la prod est signée par DJ Elite, mais il y a eu plusieurs producteurs hein, d'ailleurs sur cet album. L'équipe d'Animal Son, Clément d'Animal Son. Il y a pas mal de personnes. One Up World, Shitty, Supafu, Ed Showtime, Mitch Buchanan, Vaccin. Voilà, One Up World. DJ Lo n'était pas de la partie. Si, mais les titres qu'il nous a envoyés, il y a eu des petites galères avec, mais tranquille, hein, c'est bon, la produit Montréalité. Il y a des sons qu'on a posés en Ardèche. Les dernières fois. DJ Lo qui sont de côté. Hologramme. C'est vrai, il y a eu dernière fois et Montréalité, pardon. Je m'oublie trop vite. Mais bon, il nous avait envoyé des millions de trucs, il est hyper actif. D'accord. Donc ça bosse toujours pareil pour DJ Lo. Plus que jamais, là, il prépare un truc. Plus que jamais. L'hologramme. On va écouter un autre morceau maintenant, si vous voulez bien, messieurs. Yeah. Les rois. On va écouter Les Rois, mais juste avant, puisque dans quelques minutes, on attaquera aussi un gros freestyle de prévu ce soir. On va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Petit extrait, court extrait du gros live d'hier soir. Ça donnait ça hier dans l'émission. C'est comme vous voulez, messieurs, c'est parti. Yeah, yeah, yeah. Jeunes entrepreneurs, oubliez pas l'emploi. Le 14 juin, on va plier l'Olympia. Jeunes entrepreneurs, oubliez pas l'emploi. Le 14 juin, on va plier l'Olympia. Jeunes entrepreneurs, oubliez pas l'emploi. Le 14 juin, on va plier l'Olympia. Aujourd'hui, je suis dans le rap, hier, je faisais des vidanges. En cuisinant l'oreille, rien à graisse, c'est évident. Et déçu par tous ces teutrés qui se croient intouchables. Mais tout ce C2P, tu n'es pas un trou. Fais des rages, c'est pas grave, t'inquiète pas mec, mon âge me permet d'avoir encore un peu de temps pour anticiper. C'est comme ça, tu vois que tous les mecs gentils s'y prêtent quand il s'agit de faire tourner le truc, faire bouger les hucs, se prendre pour des ducs, tu vois manger quelques tucs et se niquer la santé, c'est tranquille. Vas-y mec, balance le truc, on est ce soir tous rassemblés. AVC, si tu me vois c'est AVC, César. C'est ton premier coup d'essai, au deuxième coup d'essai. De la weed en fragments, te tout gras dans le sachet. Quand ça sera vide on fera comment. On retournera en acheter. Et fais pas la belle, j'ai d'autres chats à fouetter. la mise. Donc c'est pas la peine d'être là, souhaiter que je t'admire. Appelle les keufs, on verra bien ce qui se passera. Espèce de bouffon, t'es qu'un petit tas. Appelle les keufs, on verra bien ce qui se passera. Espèce de rabat, t'es qu'un petit plat. J'ai oublié d'être con, les autres ont oublié d'être bon. Je tenais juste à le souligner. On joue aux fléchettes sur vos boucliers. Voilà, petit extrait, l'intégralité du live est dispo sur le skyrock.fm. Il y aura un autre live à pas louper avec l'entourage tout à l'heure entre 20 et 21. C'est du teasing inversé en fait là, ce qu'on vient de faire là. C'est ça en fait. C'est le teasing, teaser inversé. Du live tout à l'heure à pas louper. Et le morceau Les Rois qui nous dit un... Il était fait où celui-ci? Paris, Ardèche, en Ardèche. Moi personnellement mon coupé je l'ai écrit dans le jacuzzi. Donc c'est plutôt ambiance jacuzzi, celui-ci. Ambiance roi. C'est ambiance guerre en vrai. Et les rois de vos bleds. Et bon, on l'écoute maintenant, c'est parti. Allez. Dieu. Divinez l'aventure, on n'a pas de vinant. Qui peut deviner si tu vas devenir un vendu? Moi, un mal dominant. Devant des vilains d'avant, jamais ne me suis rendu. Jolie fille dans l'auto, enlève tes sapés, sus méro. La vie un loto, on est des sacrés numéros. Amène un verre, un mic, un PC. Voisin braille de BC. J'ai dit paniquer ton père imbécile en mettant ma paire de Nike à PC. AVC, si tu me vois c'est AV César. C'est ton premier coup d'essai. Au deuxième coup d'essai. De la weed en fragments. Te tout gras dans le sachet. Quand ça sera vide on fera comment? On retournera en acheter. Ton sérum, le sirop, la sirop fait. Au sirop que sirum qui sirote, tu sirope. Faut lever les bras, je fais le rap vrai que les faux ne veulent pas. Qui t'a demandé d'ouvrir ton claque merde freestyle. Et les groupies tombent par terre. Tu vois mon exutoire c'est faire du rap. Suce moi que je démolisse ton faciès. À Panama avec Dooms contre la l'homme. Entre des milliers d'origines différentes. Assalam alaikum, couche à l'homme. Je tente d'esquiver les sujets qui dérangent. Jolie fille dans la base, posée sur le canapé. Qui a besoin d'amour? Mais j'en ai rien à foutre. J'enlève le joint de sa bouche. C'est tiré par les cheveux. Tes copines sont tes méchés. Chérie, tu prends tes jambes à ton cou. C'est ma position préférée. Des belles inconnues m'arrêtent dans la rue. C'est ma notoriété, chien. Mon équipe fait la une avec un morceau d'été. La danse de l'homme sous. Je me fous de viser la lune. Là-bas, y'a pas de thune. Si je te baratine pour une gâterie, quoi qu'il. T'avales à ma flûte. Faites mouvoir vos ailes. Mouvoir vos ailes, mouvoir vos ailes. Viens, on est les rois de vos bleds. Les rois de vos bleds, les rois de vos bleds. Je me demande, y aura-t-il des traces de nos restes? Pourquoi y en a cette merde sans les traces de nos blesses? Faites mouvoir vos ailes. Les rois de vos bleds, les rois de vos bleds. Je me demande, y aura-t-il des traces de nos restes? Oh, y'en a cette merde, sont les traces de nos bleds. Tant que la foule, jamais rue déserte, je m'en bats les couilles d'être le plus célèbre. Tant que sur mes verres, je me dépense tellement que j'ai l'impression de gratter sur des chèques. Si tu vis, vise de la lune. Ne pourra te faire pas sentir la thune. Rien ne change dans nos vies. Juste, on bosse album dans des villas de luxe. Entourage. Vincent Shea, Vincent Shea. Je pars à l'aventure avec mes 10 collègues. 10 collègues. L'entourage. FJ. Ça n'a rien à voir avec ces MC. Les meilleurs, c'est ça qu'on fait pour nous battre, peu d'espoir. C'est le L, on a 4 concerts dans 4 villes et le même soir. Trouver le dièse, les seules tâches validées sur les t-shirts sont entourées de têtes. On veut toucher le ciel, faire nos trucs maintenant pour pas se dire plus tard qu'on pouvait le faire. Pour s'en sortir, faut le mental. J'ai vomi ma pizza orientale. En plus de ça, j'ai le nez qui coule. Mais je n'arrête pas tant que mon équipe court. Pas de pétasse planche, ni Kimba Singer, ni Demi Moore. Je fais partie des pépites. Dans le rap game, c'est le baby boom. Je vois dans leur biberon, je chie dans leur bouche. Je sais que mon nom est sali dans leur bouche. Sali dans leur bouche, Alpha One. Je sais que mon nom est sali dans leur bouche. Si j'ai les thunes en poche et que j'ai mon truc dans le Porsche, je fume de l'herbe dure. Comme l'opium qui vient du Cambodge. La jeunesse est trop débile. Avant-hier, c'était encore des petits lits. Maintenant, c'est coquettise. Et t'es un gars cool quand tu copes des piles. Je parle très peu culture. Comme ce gars des pompes funèbres qui s'installe en face de l'hosto. J'ai très peu de scrupules. Faites-nous voir vos ailes. Nous voir vos ailes, nous voir vos ailes. On vient, on est les rois de vos bleds. Les rois de vos bleds, les rois de vos bleds. Je me demande, y aura-t-il des traces de nos restes? Pourquoi y en a cette merde sont les traces de nos bleds. Faites-nous voir vos ailes. Nous voir vos ailes, nous voir vos ailes. On vient, on est les rois de vos bleds. Les rois de vos bleds, les rois de vos bleds. Je me demande, y aura-t-il des traces de nos restes? Jeunes entrepreneurs dans les bacs. 14 juin l'Olympia. Ouais ouais. Les rois de vos bleds. Les rois, à l'instant, c'est extrait de l'album Jeunes Entrepreneurs, l'album de l'entourage, le premier album du collectif parisien. Ils sont tous là tous les soirs entre 20 et 21 avant de partir aussi pour certains en concert ce soir. du côté du 7-7 à Magny-le-Hongre avec Dean Burbigo et le escrew à pas louper. Et FJ. Et FJ aussi qui sera là, qui sera présent aussi. Et puis en attendant donc la date du 14 juin prochain à l'Olympia. Entraînement pour tout le monde dans quelques minutes. Ah. Parce qu'il y aura un gros live de prévu. Même pas entraînement, hein, c'est naturel chez nous, freestyle comme on respire. Ça aussi, vous aurez le temps au 14 juin de faire un gros freestyle. Toujours sur scène. Toujours. Même à l'Olympia, on fait des freestyles. On n'en dira pas plus, mais il y aura plein de surprises. Tiens, ouais. T'entends pas. On n'en dira pas beaucoup plus, mais il y aura plein de surprises. Donc plein de surprises, des invités, des. Des invités, des bâtons de commandement pour. Les absents ont toujours tort. Séparer la foule. Hein, il va se passer plein de choses. Hein. Ceux qui sont venus à la Cigale le 29 mars dernier pour les screws, ils savent. Ils savent que c'est un freestyle à toute patate. On ira voir aussi un peu les gens à la fin du concert. Ouais. Sinon, il y a Candy Cotton et Abou qui sont à République KFC. Donc devant KFC de République. Devant KFC de République. Ils sont pas dedans, ils sont à l'extérieur. Non, devant, juste devant. Ils ont déjà mangé. Ils donnent des t-shirts gratuits. Ouais, allez, si allez, des cadeaux. Allez, ils viennent de Grail là. Un t-shirt pour un bucket. Bah, allez-y, vous pouvez récupérer donc du t-shirt de l'entourage si vous débarquez à République là jusqu'à tard dans la soirée devant le KFC. Post-tiché. Yeah. Dans quelques minutes, on reviendra. On mettra un autre morceau aussi. Ouais. Lequel, messieurs? Qu'est-ce qui a été choisi par l'ensemble? S'il me voyait. Ouais. Un son un peu plus conscient, on va dire, qui nous tient vraiment à cœur, et c'est vraiment la partie qui on voulait souligner aussi dans l'album, et c'est un son que tout le monde kiffe de ouf. Et voilà. Moi, je crois que c'est mon préféré. C'est le truc qui vous parle. Je suis pas dessus, donc je le kiffe comme un fan, et c'est mon préféré, je pense. Et merci, Nekfeu. Dans un instant, le morceau préféré de Nekfeu. S'il me voyait, bougez pas. C'est dans quelques minutes le retour de Planète Rap avec l'entourage. Planète Rap, c'est la famille. 20h-21h sur Skyrock. Comme toi, l'entourage a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec l'entourage entre 20 et 21 jeunes entrepreneurs. Toujours gros carton pour l'album. En téléchargement légal, on peut le trouver. Ça se passe à fond. Partout, Google, iTunes, toutes les plateformes. Google Play, iTunes et dans les bacs. Snack, Spotify, tout ce que vous voulez. Allez cliquer, allez récupérer l'album de l'entourage qu'on découvre. On va mettre un autre morceau maintenant. S'il me voyait. C'est le morceau qui a été choisi. C'est ça. Yes. S'il me voyait, ouais. Et bah c'est parti, s'il me voyait. Extrait de jeunes entrepreneurs et après on attaque le live. Vraiment. Nuit noire, j'allume mon dixième spliff. L'âme en pleine corps d'inertie. Une bière fraîche pour digestif. Une belle paire de fesses pour me divertir. Je suis à propos de ce sexe à pile. Un jour je les aime, un jour je les jette. Je suis versatile. Et si maman me voyait claquer dans les sapes à mon temps de loyer, je serais renvoyé. Hier j'étais sous, c'est limite si je rampais. La tise m'empêche de me noyer. Mais si mon grand-père me voyait, lui tout ce qu'il veut c'est voir ses petits-fils vivre en paix. Et quand je me fais cramer, je rectifie le tir d'emblée. Mes parents ne voient que la partie émergée de l'iceberg. On parlait de blasphème quand j'ai mis de la zeb. J'ai merdé, je l'admets, mais c'est pas ce que ma mère croit. Je préfère mentir plutôt que de la décevoir. Si je me fais renvoyer, à quoi je m'employais? Bagarreur et malhonnête, je me ferais renvoyer. Personne pour me soigner, là je me sens noyé. Juste un blunt et pas d'oseille si ma mère voyait. Si mes parents voyaient, à quoi je m'employais? Bagarreur et malhonnête, je me ferais renvoyer. Personne pour me soigner, là je me sens noyé. Juste un blunt et pas d'oseille si mon père voyait. On dirige vers une sortie chaîne. Mais si on cache nos péchés, c'est pour vous protéger de nos conneries de jeunes. Vie pleine d'erreurs, si mes parents voyaient, je me sens coupable. Tu vois mes amis perdent les leurs. Et je traîne, ouais je traîne. Tard le soir, tôt le matin, côtoie les extrêmes. Donc souvent je vous mens quand je dis que je vous mens pas. Mais bon, je suis jeune, je crois qu'on est tout le temps tous comme avec ça. Avec le temps, elle a dû s'en douter. Nouvelle paire, nouvelle veste. Mais d'où sort tout ce blé? Elle doit se questionner nuit et jour. Comment je fais pour grailler? Où je dors? Et avec qui? Mais laisse tomber, je suis ses coudes. File et ça déteint. Sur son moral, c'est dommage. Le col à l'écoute, vie simple et bien. C'est ma vie de gagner rien. Je lui fais croire que je suis à l'hôtel. En vrai, je dors sur un parking aérien. Si renvoyé, à quoi je m'employais? Bagarreur et malhonnête, je me ferais renvoyer. Personne pour me soigner, là je me sens noyé. Juste un blunt et pas d'oseille si ma mère voyait. Si mes parents voyaient, à quoi je m'employais? Bagarreur et malhonnête, je me ferais renvoyer. Personne pour me soigner, là je me sens noyé. Juste un blunt et pas d'oseille si mon père voyait. S'ils m'avaient vu perdu dans la rue, j'aurais ressenti leur peur. Si j'avais acheté puis revendu, j'aurais menti dans l'heure. S'ils me voyaient maltraitant mes sœurs, je goûterais les crises et les coups. Ils m'ont vu sécher de trois cours, collerie sur mes professeurs. S'ils m'avaient vu au parloir, j'aurais aperçu des pleurs. S'ils m'avaient vu veine sous rasoir, c'est que j'aurais fait une erreur. S'ils entendaient, s'ils voyaient ça, ils diraient s'ils pensaient ça. Donc je préfère rester cool, calme et prendre le cash sans vendetta. C'est extrait de l'album Jeunes Entrepreneurs avec l'entourage à l'instant s'ils me voyaient. C'est ce qu'on écoutait. Ça fait du bien d'entendre. Sur Skyrock entre 20h et 21h, c'est maintenant l'heure de passer au live. Si vous êtes prêts, toujours. DJ Elite est au platine. On y va, session live dans Planète Rap Entourage. GGG. Yeah, yeah, c'est l'entourage bébé, jeunes entrepreneurs, tu connais les boys, hein, hein, ok, ok, ok, hein. J'ai la gorge serrée et la peur du futur, comme un gosse qui élabore ses rêves. Et j'adore mes frères, mais à force je les perds, car cette vie rapide est éphémère, la mort se dépêche. Et même si ta clique est téméraire, esquive la bise et les ténèbres, le fil facile et les pervers, la drogue les perce. Un de mic check, plein de rage, plein de blême, mais mon bossy, c'est du rap, je à l'aise. Les leçons de la vie s'apprennent seul et pas quand des vieux comptent pas. Car la France est en décadence dès que tombe la nuit. Avec ce son le navire est battu par les flots mais ne sombre pas. Les poulets font des guet-apens car je fais que pondre ma rime. Mon rap ne peut pas s'épanouir sans infinité. Un peu comme l'agilité d'une bête en captivité. Je laisse le stress s'évanouir, j'efface mes fragilités. J'ai gardé ma dignité, rap n'est pas une facilité. T'es prévisible comme une bagarre à l'open bar. Tu vois des airs avec ta femme, c'est que ce bâtard a trop pédale. Nos vies c'est l'anarchie, le succès pas là par magie. Tu nous as croisés dans les open mic de Panama Rotterdam. Les freestyle, les petits styles, et je mitraille les freestyle, les petits styles, et je mitraille les freestyle, les petits styles. C'est des rimes sales, yo. Et yo, je suis ce putain de jazz. Yo, je suis ce putain de jazz. Yo, je suis ce putain de jazz. Parce qu'il y en a qui savent suivre là-dessus. Et yo, je suis ce putain de jazz. Je balance bon lyrique sans que j'arrive à le faire. Mon lifestyle est animal, mec, je suis qu'une sale merde. Mais on me trouve admirable quand je manie stade vert. Adjectif et synonyme, apprécie mes hiéroglyphes. Des images pour indiquer un sens dans les virages comme les lignées intenses. Dans ma tête, des kilos dream, téléguide et des implants. Avec sérénité, j'essaie de pérenniser l'instant. Avant que le temps s'arrête, ouais. Avant de prendre le large, ouais. Dans une grande mallette, hein. Toutes mes idées noires, ouais. Je fais que de prendre de l'âge, ouais. Prendre mon idéal, ouais, je tente le diable, c'est à lui que je vais rendre l'âme. J'perds la raison, j'aimerais répondre à des questions oubliées. La vie est réglée d'un décompte et avec elle on a des comptes à régler. L'âme en peine, je suis condamné à errer. Traîner dans des bars et rester en état affaissé. De mes mains, le butin se taille. Je n'ai plus de rage ou de peur, j'ai comblé ces putains de failles. Ici partout que j'aille, les humains se graillent à croire qu'un putain de Nike c'est tout ce qu'on a sur le cœur. Chez nous la foudre éclate toutes les 4 secondes. Je viens de là où les gars pour des liasses se plombent. Mon gars, je suis touché par le monde des gens, le béton, le guitariste dans le couloir du métro. Je les regarde mais se cristallisent par les choix du pédo. Ouais, je suis plus le genre de frère que tu croises en vélo. Mec, t'as zéro si dans mes yeux t'as que voir un héros. On vient de la ville lumière, on a les le style ici et le. On mouille le maillon comme une fiche chez l'esthétique ici et le. Ça part à l'eau, ça ramène ses sauces. Parano parce qu'être le meilleur ça rabaisse les autres. Les pieds sur terre grâce à ma mère et à mes Janowski. On rend les maris jaloux, fume la Marie Janowski. Je rêve de baiser une fliquette et que c'est chez la boire. La preuve que l'amour et le sexe ça n'a rien à voir. D'où Jésus, d'où Jésus, d'où Jésus. Je sais même pas d'où je suis mais je suis au-dessus. Hein, sur l'ampli des lions, yeah, sur l'ampli des lions. Et je mitraille les freestyles, les petits styles. Et je mitraille les freestyles, les petits styles. Et je mitraille les freestyles, les petits styles. J'ai des rimes sales, je kiffe le mic, je kiffe grave. Yo, j'ai des trucs pas drôles parmi les petites rimes de texte. J'écris des milliards de textes, mais je n'ai qu'une parole. Et vu que j'adore les petites billages, le sexe est si minable, je le sais. Mais s'il y a des fesses, alors c'est sûr, j'aborde. Ma rue charbonne, les petits viralités de vivre l'image du mec qui dirige la cité loin des astuces, Madoff. Ils veulent la crème comme une pub d'Anon. Crève des grecs jusqu'à plus tard, l'autre freestyle en jusqu'à l'homme. Sans jouer les marques, ici chacun veut être son big boss. Et on pense qu'un autre pomme, un peu comme Steve Jobs. Vite pauvre, on s'école, puis gosse et paye le prix fort. Qui dit pas d'ose, il dit pas de sommeil, pas le temps ni d'or. Ici nos vies défilent comme vie d'épilepsie. J'écris des scripts de films, j'suis pas un lyriciste, mais un cinéphile. J'essaie de vesquer les crimes, la vie m'équise, des pics, des crises. Et peut-être j'finirai sur un coup de tête. Cinéphile, là et leur extorsion de fond. Ici les torts sont bombés, pour les potes, on fond. Hey, moi j'étais là jadis dans des ténèbres sataniques. Tu vas te faire aplatir si tu veux t'être ma famille. J'assassine, ça vient de là où les pétasses balisent. Hanté par la nuit, ça prend du cash comme des guettes d'Adachis. Je me demande pas chose qu'elle si c'est déjà vide dans mon assiette. Pareil que tu veux ma mort, qui veut ma peau perdre à la sienne. Ouais, pas dans la sienne, frère. J'ai la sienne, ça fait Hey, Mekra, c'est Mekra le Mekra au micro, parlez pas pédave, je picole, je suis qu'un brave qui a pas de bif et je te fais rafle comme Mario. Je suis pas plaque ni latino, je suis un pic au Canada. À ce qui paraît tous ces mythos passent des kilos par la douane. Dans le frigo y'a pas de mal, on veut chill au Panama. Il est chill aussi, faut qu'il ait le beat, mon stylo gratte un max. C'est le Kaira. Et ta Mekra c'est de putain de Kaira. Ça ira, je suis faya, pas de mariage, on salira la Zaya de Paria, faya, on a l'image de cannibale. Et c'est Hartal, t'as Al-Qaïda et t'as pas idée. Arriba, on a des qualités, le pari est fait baliser, t'es petit, il reste étanisé. Sale tchat va t'habiter si t'as pas la gna qui sait. J'travaille mes patates sur un sac à la sacrée. Plein de putes, mais pas de marque et pas de thune, c'est la life. Je suis pas une pute, j'ai pas de marque et mat, ma démarche de bâche. Savoir ne pas parler de tes bails, c'est un choix, crois-moi, c'est pas gagné. Sale tasse, tu parles mal, j't'avais dit y'a pas d'amour à Paname. Donc pas besoin de t'attacher, tes plaques et les bacs tirent à l'été, claque tous les bacs vite. Pas que les galons, t'as que les gars qui jacquent des impétards petites. Les tartes et les balles te visent. Fais le show et attends-toi au mieux. Allez, je t'éclate le pif. Fais le show et attends-toi au mieux. Ils ont l'air d'apprécier ce que Falcré. Ouais, ils ont l'air d'apprécier ce que Falcré. Ils ont l'air d'apprécier ce que Falcré. Je suis en forme, ouais. Olympique et j'ai le feu sacré. Ils veulent donner un chat au Sphinx Val. Mince passe le message. J'ai rien d'impressionnant, il faut que les timbres sachent. Polo couleur groseille, bien sûr il s'agit de linge. Ralph, si ça parle l'oseille, j'ai les oreilles du prince Charles. Je peux faire des euros puis les dépenser en yens. Tu hoches, tu rap comme moi, mais en tiède. Alpha premier en tête. Hein. Ouais, j'ai eu ton album, mon son préféré, c'était la chasse de lorsque j'ai jeté en miettes. J'ai assez taffé, j'ai pas tapé de feinte. J'écoute leurs trucs, je suis obligé de me braquer. Je te rappelle que je m'appelle Flingue. Je leur point vite. Ou leurs autres zéro gène, deux bijoux, zéro chienne. Si je me chauffe le réseau gène, on a déjà mis le cap vers le haut. Je suis pas de ceux qui vénèrent le veau, pas de concurrence amicale quand il s'agit de faire l'euro. Je pars en Benz grise, les pneus de la SL gris. Mes bijoux dans ta bouche, ça fait des belles grises. Mitraille, des freestyles, les petits styles. Mitraille, des freestyles, les petits styles. Mitraille, des freestyles, les petits styles. J'ai des rimes, ça, je kiffe le mythe, je kiffe grave. Pour la plupart, c'est les thunes et les putes d'abord. Tu fais le gangster dans tes textes, mais t'es qu'une salope, salope. Nous, on le sait, n'essaye pas de nous duper. Les pauvres, on se perd toujours face au succès. Mec, tu connais le QG, rien à prouver. Tu sais qu'il faut toucher du blé afin de doubler budget et puis bouger du checks. Arrêtez de raconter d'un merde. Arrêtez. Trop de complexe, qui veut test, qui veut tordre un mec balèze, hein? F again, je vise le top 10. Je suis un killa comme Ken. Je crois que t'as pris la cocaine. Si tu me testes, tu gagnes dans tes rêves. Ni codéine, ni dopé, ni dans les veines. J'ai le cœur rempli de fissures. Je vais ce qu'il est faux, leur traîtrisure. Je déprime mes faux, j'écrive des choses, guérisse mes mots dans l'écriture. Ils se prennent pour Bouba, mais ressemblent plus à Balou. Ils se prennent pour Tupac, mais ressemblent plus à Jaroul. Les rappeurs me font rire, plus les vapeurs mon shit. Je suis pas dans votre monde, les gars, laissez-moi prendre mon bif. Rendre mon disque si j'y pense. Sinon j'irai m'acheter des armes et barrer pour braquer la diligence. Et tu le sais, fuck les thunes, c'est des tubes qu'on fait. Les tu sais que change ton petit cul en beau cul bombé. Faut qu'on confonde le courage et l'honneur. On court laver nos pleurs pour soulager nos peurs. Nos pleurs bébé et nos refs et nos sœurs ont le cœur serré. Peu importe leur divers ou leur d'été, ressentent la peur d'aimer. Plus tu vis, plus tu meurs, c'est vrai. F au mic, ferme ta gueule, BD grapuleux. FJ fabuleux, t'as vu le style fils. J'allume le spliff, puis j'calcule le fric, c'est la veille. C'est-à-dire peu, car c'est la mer m'amène dans mes affaires. C'est pas dit, ouais on est pauvre, mais pas à plaindre. Mais c'est à la fin d'être pété d'oseille pour péter des meufs au baladin. Assume qui tu es et qui tu veux devenir. Tu vois ce que je veux dire, peu te peut te nuire. Paris c'est grave, triste mais c'est pas misérable. Dans des caprices de stars et des femmes idéales. Malheureux, malheureux, j'garde l'heureux, garde feu, car je veux pas que le pas d'meureux tarde dessus. Reste lui-même, c'est vous qui changez. Je fais ce que j'aime et je sais ce que je fais. Pourri d'entrée. Yo, grandis comme un gosse, agis comme un homme, pense comme un boss. Tu me suis ou quoi mon gars? Balance. On vient fous la merde. Sans stress. Vas-y fous la merde. L'entourage. On dit quoi? Jeunes entrepreneurs dans les bacs mon gars. On vient fous la merde. Sans stress. Fous la merde. Comme centré. Red ou pour la Z, roule la Z. Et serre un grand on verre. On tous avec des trentenaires mlais. Puis de trader. Un verre de Jigger. Et nos coups d'alerte. De transfert, ça vient du blé. Et bien des parfums de la jungle urbaine. Tiens tu t'aimes. Face à l'escadron tu n'as rien pu faire. Des insurgés qui font cette basse. On n'aime pas, dans sa part, des grosses parts, dans ta voix, c'est KGB, bébé, pour caresser ta 4CB, faut pas rêver, bébé, va apprécier d'être. mettre à mes pieds. Y'a des sous à se faire, la plupart des filles sont séduites par le mal. Fous la merde comme Samina Seri au festival de Cannes. Si je mourrais demain, je ferais la même chose qu'hier. Allumerais un petit stick suivi d'une grosse bière. Posé dans le coin de rue, rigolant de la vie. Exposant mon point de vue, puis m'isolant dans la nuit. Rejoignant mon abri, embrassant la solitude. Assis, réfléchissant, pensant à mon avenir. Demain je serai dans le brouillard. Serais-je avec Marcelo et les autres, plongé dans un grand trou noir. J'aimerais que ça danse tout part derrière mon corps, frigide posé en quatre planches en bois. Je te laisserai m'emporter. Ici tout le monde parle de toi, mais personne ne te connaît. Connais-tu la vie de galérien? Tous les jours posé dans la gare ou sous le métro aérien. J'ai grandi trop vite d'ailleurs. Souvent je me suis senti grave seul, traîné de foyer en famille d'accueil. Dans mon revenu, une énorme déprime. Ma corps, j'ai dit fort d'esprit. Mais t'as besoin de fric, ma gueule. T'es qu'un gosse tranquille, pressé de retrouver Dieu. Faut pas les poches remplies sauf celles sous les yeux. Les gens fuient ton regard et flippent du type qui se pique dans le parc. Faut que tu les pistes et les agrippes dans le noir. En train d'aiguiser mon schlass au pied de l'escalator, attendant le premier qui passe. Faut que tu le dévisages avec des yeux véritables. Genre le queue, mais qui se fâche et qui se maîtrise pas. Non, t'es au-dessus de ça, n'abuse pas, t'as plus l'âge, tu n'es pas un gars brutal. Faut que tu te calmes. Moi, tu n'oses plus te battre. C'est toi, la débrouille qui t'étouffe. N'est qu'une soluce de l'âge. Espèce de mollusque flasque, fonce en style boum. Carambolage et on plonge dans le vide. Je te l'avais dit, là t'es maîtrisé à terre. Vas-y, sors pas ta lame afin d'éviter l'enfer. Toi, quatre pattes, ce bâtard te cogne la face. Choisis, mets-lui des pattes à tout, sors ton schlasse. Vas-y, ouais, j'arrive, mec, j'pense comme un boss. Boss. Le soir fonce et j'danse comme un tox. C'est comme ça que ça se passe d'ici jusqu'à Oslo. J'suis un bâtard, j'traîne avec des loups, appelle-moi Jon Snow. Hi, c'est comme ça que ça passe, ça sort du faussaire. Un faussaire, il faut se faire à l'idée que j'suis trop frère. Ouais, j'suis trop frais, c'est comme ça avec mes gars. Le flow méga super chaud, le soin hyper gars. Ah, putain, c'est pas grave, même ce charabia, tu vois qu'il est chaud, mec. Blanc, arabe et noir dans la plaza. Ah. On s'en fout, mon pote, y'en a plein de rimes dans la tête. J'suis un dingue, mec, tu vois, j'la pète. Quand j'prends le mic, j'fais des séco-trips comme un quinri. J'en ai rien à foutre, mon gars, tu vois, j'manque pas d'inspi. Hein, ça sort tout seul, ça sort nickel. C'est comme ça que ça se passe, mon pote, j'passe temps à forniquer. Tout de suite, monsieur. Ouais. Non. C'était un peu osé. C'était un peu osé. Ouais, je mitraille les freestyles, les petits styles. C'est la dernière fois que j'allume un sleeve. Que je rachète un kilo, c'est triste, mais c'est la vie. Faut que je sépare de ma drogue douce, celle qui m'aide à me sentir plus léger. Je rêve grâce à la verte. Mais merde, stop tout. Mon esprit est embrumé, je veux pas partir en fumée avant le grand boom. Avant qu'on m'engouffre, que ça me rende ouf. Il faut que je change tout et que je retombe dans ma cambrousse. Si je meurs demain, je dis pas maille après des tas de cache-bras. Je fous ta clash, je leur fous des claques et des attaques faciales. Je penserai qu'à damer mes plats de la baraque. Voir la mérite, mais je crois que c'est cuit, j'aurais qu'une life banale. Je me serais fait des stars et des femmes flics. J'aurais incrusté les stats pour faire des dingueries. Passer ma soirée avec mes proches, se raconter des choses drôles de l'époque. Un fou écoute mes entours lourds. Je mens toujours, t'es ma mon film me fait frérer avant que je rentre dans le gouffre. Mais j'suis du bol dans ma vie, je rêve du mort. Entouré par ma famille. Polo avec le cheval. Dis-moi qui est chaud, qui a plus de flow que le jeune Fall. Histoire que je me fâche. Passe-moi l'addition. Fall fera la diff quand il fera la mission. Ta dernière vision sera une paire de claques, soit la bise. En gros, je vois l'avenir, voilà. Tu vas sucer mes potes, donc je te claque pas la bise. Je mérite des villes à pleine, de filles à peine vêtues, encore fœtus. Je rappelle déjà comme Killer Kim. Tu sais que le texte glisse, donc j'encaisse le chiffre. Et yo peps le chiffre. Tous les voyous veulent que je fasse du gangster shit. Moi, je veux juste. Tu caches mon refrain. La compète, ça c'est quand je clash mon reflet. Je vais rétrécir les mini-moi. Je vous appelle les demi-miroirs. Vous faites les mêmes choses sans réfléchir. Être plus fort que les autres, c'est juste un passe-temps. Toi, quand t'es là, t'es pas là, moi, remarque mon absence. Nique le dépassement, je suis au max de la maxence. Âme sensible, s'abstenir, j'ai des nouveaux placements. Pour la fin, pour finir, fil du flingue en impro. Une syncope, tu connais, je suis malade, c'est faal. Et puis j'ai des symptômes, trouve-moi sur l'asphalte, faal. Je marche avec du Ralph Laurent, ouais, du Fly Ralph. Ouais, super haut, ouais, super chaud. On s'en fout, toi même, tu sais que j'assure le super chaud. Je fais plus des 4-4, je fais des 8-8, c'est fil-fil. Regarde le truc qui se distille dans le plein Phyllis. Appelle Billy Clinton, c'est Kiss Mom. Philly flingue, te fume, Illy Co, presto. Bless yo, Philly Flank, yeah. C'est la patate comme les pâtes au pesto. Quel plaisir de voir le Don de retour. 14 juin, c'est l'Olympia, c'est le compte à rebours. Yeah. Ah, le mec a enfilé le Durac, tout bab. Renoir rappe à tout bas, c'est trop fort, mec, on fout le drap. Je dis n'importe quoi, c'est pas grave, wesh, mon gars. D'où même t'enchaînes ça, hein? On n'est pas en chien de sable. Non, on est en freestyle, c'est comme As. Ça se passe avec le Alpha qui revient pour cracher des flammes bleues. Et la couleur qu'on va te lâcher, soit ce. Et le 14 à l'Olien, bien ouais, là je peux revenir sur mes rimes, rien à foutre, ouais. Dalle que je lâche toutes sortes de faces pendant que tu pompes des dards. Lâche le fucking mic, c'est comme As, ça se passe. Y'a dra, y'a blablabla dans ta chatte. C'est comme ça que ça se passe, ça part dans tous les sens. C'est Alpha, Valche, ouais, Ralph, ma marque préférée, je vais pas déférer. Philly Flank, tu sais, je reste fly. Je suis le mec qui vient ici pour les émécher, les déterrer. Sur ta tête, du 7-5 au 7-7, je roule avec un VTT. Hein. Et toi-même, tu sais que l'entourage enfoiré, c'est tes préférés. Ouais, hein, ouais, quand on rappe, le faux M6 fait faire fuser. C'est comme ça que ça se passe, tu vois, on passe du temps à s'amuser. Val Doom, Stair, les verres fumés. Hein. C'est comme ça que ça se passe, tu vois, tu saignes du nez. Qui peut me tuer? Mes rimes sont immortelles, on fout le bordel. Un putain de cortège, j'ai pas mis mes Nike Cortez, mais c'est pas grave. Y'a le cheval sur la basket. Hein. C'est comme ça que ça se passe, tu crois? Tu connais pas Ken? Hein. Non, tu connais. Ouais? Tu connais pas Ken? Hein? Avec son équipe, on arrive, on va te niquer, m'amène. Ouais. C'est comme ça que ça se passe, rien à foutre. Écoute, oui, la danette, je vais mettre la fucking. Ouais, c'est comme ça que ça se passe, m'amène. Laisse bête. Donc, je voulais parler de ce Bob. Y'a que mon Bob qui est réversible. Nique sa mère, ouais, je fuck, je saute, je rime. Comme As en impro, c'est léger, mais ça baisse tout de suite, c'est ça. À l'inverse de la langue française, je ne tolère pas de faux amis. Quand j'entre en scène, je fais de gros dégâts, donc aux abris. Les vrais me reconnaissent, les autres connaissent de beaux habits. Rap style magie, c'est l'heure de l'appel des hauts tapis. Ico la faute à qui? Si on parie gros la nuit, un jour un pari go m'a dit. Si on salit trop la vie, plus tard j'ai pu le voir. On te suce la bite quand tu gagnes. On te suce la bite quand tu gagnes. Un billet pour le bagne. Tel des discréés, si mes amitiés tournent mal pour le cash. J'crée des chansons inspirées par le gros shit. Et j'sais que les gens ne sont guidés que par le profit. J'mitraille les freestyle, les petits styles. Et j'mitraille les freestyle, les petits styles. Et j'mitraille les freestyle, les petits styles. J'ai des rimes sales, je kiffe le mic, tu kiffes grave. Tout de suite, monsieur, encore un ordre que ce bâtard me donne. Ça grave le seum. Non, je connais pas ce texte, mais je suis un jeune qui est toujours prêt à trouver des prétextes pour kicker en impro, faire bouger les fesses et faire le truc frais. Hi douce, désolé, t'as les locks sous le bob. Y'a la prod quand je clique, quand je cogne. C'est comme ça, ouais, mon gars, tu vois bien qu'on arrive, on revient. Espèce de crétin, pourquoi tu nous retiens? Freestyle, des freestyle, petit style. Des freestyle, les petits styles. Les petits stages, j'ai des rimes sales. Je kick le mic, je kick grave. Apporter le fric, là, je vais saboter le business. Trop paro, je débite que des sales projets. Approcher, là, je promets droite, gauche, arme soviétique. En guise de rime, en petite chemise, j'enfile mon jean rempli de centimes et gratte ce rap trop technique. La prose est clean, je tape trop de spliff. Là, je t'assomme la basse comme que des tas de crochets fils. Je veux mon hard top, je suis Larson, que des balles trop précises. J'ai le sap dans la gorge, mais prends garde, j'tombe 4, il me faut du dans la boquette. T'es une tapache, déçu. La life, c'est su, je t'exécute, allez plus patate. J'ai dit, check, ça fait patate. Ok, check, ça fait A bord de ma Clio, je monte sur mes grands chevaux. Si tu fumes la cigarette, ton pouce, on fait les dorsaux. On veut nous voir mourir, mais j'aime pas très rapper. Et je vais pas m'étaler pour des schlacks pourris. Mon papa, moi, n'est pas un gangster. Je suis dans le trois chemins, nous savons comme terre. Laisse faire les grands, 75-0 ce gain. Quand j'appelle le 15, bah c'est pour plaisir les champs. J'mitraille les freestyle, les petits styles. J'mitraille les freestyle, les petits styles. J'mitraille les freestyle, les petits styles. J'ai des rimes sales. Tu kiffes le mic, tu kiffes grave. Nos mères auraient voulu qu'on grandisse autrement. On évolue, le temps des choix est déjà révolu. Je dois me jeter à l'eau, mais je redoute chaque cap. 24 ans et déjà KO, mais je dois sauver ma peau. Donc si les disques se vendent, laisse-moi vivre ce rêve. Pour l'instant, je suis bloqué à 19 ans dans Paris 19ème. J'observe Paname, la night, ça accapare la maille. C'est grave, même le Dalai Lama fait du grave, ma gars. Ouais, ici on vit à l'improviste. Mec, j'ai tenté l'impossible et j'ai compris que c'était impossible. Marre cette vie, mon rose, on croit que l'argent fait le bonheur. Forme de combat comme des boxeurs en kimono. Moi, je suis ce parigo qui cogne le micro pisse sur la croix sceptique. Demande du respect comme Alliance Ethnique. Cette vie nous rend sceptique, donc on l'ironise fort comme dans le club des Hendrix. C'est Jim Morrison, c'est tout ce que j'ai à dire, yo. Tiens, tiens.

Ces jeunes entrepreneurs, un extrait à l'instant avec 75. Le clip arrive demain 19h30. Exact, c'est ça. Pour émater les images de ce morceau. Franchement, c'est un des clips les plus lourds qu'on va sortir, je pense. C'est vrai. Ouais. Mais tout le monde d'accord sur les Joseph qui ont fait un énorme boulot là-dessus. Big up à eux. Ouais, ouais. Voilà, En fait, c'est rare qu'un clip mette tout le monde d'accord dans un toit. Et là, ce clip a mis tout le monde d'accord. Là, on envoie une grosse Amérique sur ce clip. Yes. Et bah, demain, 19h30, vous pourrez mater les images. Yes. Et puis à suivre aussi entre 20 et 21 dans Planète Rap. Avant de se quitter, les grands temps de faire tourner maintenant. C'est parti. Ah. 200 places, Kev Adams en exclu. À choper maintenant sur Skyrock. Simon de Caen, ça va bien, Simon? Oui, ça va. Bah écoute, en pleine forme. On est avec l'entourage. Ouais, impeccable. Bien. Toute la semaine, impeccable. Si, mon gars. Yeah. On y va, on fait tourner? Ouais, pas plus. Allez, dès que tu veux. Ah ouais, rapide, Simon. Pars pas de temps. Ouais, rapide. Et pour toi, les places. Deux places pour aller voir Kev Adams du côté du Zénith de Caen, la tournée des Zéniths avec Skyrock. Si, stagiaire. C'est pour toi, Simon, deux places. Ouais, stagiaire. Et bah, passe une bonne soirée. Merci, toute l'équipe. Ciao, Simon, merci aussi à toute l'équipe de l'entourage qui était là ce soir. Merci à toi, Fred. Certains seront en concert dans quelques minutes du côté du 7-7. Ouais, ni le Hongre. Dean Borbigo et l'escrew. Ouais. À pas louper dans le 77. Et puis 14 juin, on rappelle la date aussi. Olympia, 14 juin. Où là, il y aura tout le collectif de l'entourage. Merci à vous. Petite dernière dédicace, message, c'est le moment ou jamais. Big up à tous ceux qui soutiennent. Toujours là, j'aime trop pas d'avoir les bacs. Grand supporter du L. Tous ceux qui sont là depuis le début, qui tweetent, qui envoient des messages, des commentaires, qui achètent le scud, qui téléchargent, qui font tourner le mot, qui viennent en concert. Big up à vous. Et avec le hashtag l'entourage sur Skyrock, on sera de retour un petit peu avant 20h demain. Merci à vous. Merci Fred. Merci. On va retrouver D-Fool maintenant et toute l'équipe. Eh oui. C'est parti pour la radio libre. C'est parti pour la radio libre. Merci l'entourage. L'entourage demain soir à pas louper, 20h, 21h dans Planète Rap. Et là, c'est parti. On y va tout de suite. Radio libre. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20, comme dit la Marie. Hop. On est prêts. Hop. Jusqu'à minuit. Vous appelez, vous nous laissez vos messages. 41759, l'appli Skyrock, le skyrock.fm. Jusqu'à minuit en direct avec toute l'équipe qui est là en ce mercredi soir. Ah, puis j'ai des bonnes nouvelles à vous donner dans un instant. Restez bien dans le coin. Ah. Jason Derulo arrive. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. On se fait Trumpets.